Ben, je pense que pas juste ça. Il y a un message à comprendre dans chaque track. Il y a un feeling à ressentir de chaque tune. Fait qu'il faut que ça perce. Faut que le monde découvre ça. Puis parlant de découverte, ben, on va découvrir une autre chanson de ton album, une quatrième, si je ne me trompe aujourd'hui. Ouais. Ça s'appelle, je l'ai nommé « J'étais un thug », you know? Fait que c'est une track un petit peu parodie. C'est en fait pour rire des gros thugs, no, I'm slang, represent, puis qui viennent de ghetto, genre Québec. Fait que moi, je ris de ça un peu. Fait que j'espère qu'il y a du monde qui va sentir aussi, qui va réaliser, ça juste pas d'allure qu'est-ce qu'ils font dans la musique. Sur le 109, CHR, voici « J'étais un thug » avec Tony Doll. Yo, yo, yo, motherfucker! J'étais un enragé, man. Fait que j'étais un thug, know what I'm saying? Fait que check this out, ça c'est ma shit, man. Ya, ya, fuck that. J'ai besoin d'être colosse pour montrer que j'ai une colonne. Je sais que je suis belle féroce parce que c'est la vie est grande. Je viens de quartier, belle famille, pas facile, know what I'm saying? Je vis en dehors du quartier. Moi pis ma gang, on est des bad boys. On court après les chicks, on les retient pour pas qu'ils s'en aillent. Fuck des posers, on va tape sur des posters. On tag sur des post-it, on est pas loser. Garage, des menaces, on va péter ta face. On tape sur ta femme, pis on t'éclate le ass. Motherfucker, tu viens vite avec ma clique, j'arrive chez vous. Check mon clip vite, mode varge, j'ai comme un fou. THUG, ça c'est ma vie. Attention à qui tu frottes, non, c'est chicka blau, chicka blau, blau. J'ai un bon ancien pendant, marqué ton idole. Si tu frottes, frottes à un ton, tu vas avoir les gens molles. Va te cacher dans ton sous-sol, te donne crisse-moi la chaîne. Oh, j't'ai fait la belle, viens donc, sock up ma graine. Comme les fournitures, passe à la queue pour le futur. Fuck l'école, c'est pour les nœuds, j'ai mieux tagué ces murs. Sacrement, que je prends une mic, c'est des ménages. Il faut que je blasse moi-même pour impacter l'entourage. Chilling all days, always ready for parties. Tell me if you see some chicks without panties. I'm a bad boy with a tattoo on my neck. That's my name on my neck, more money for the upper step. THUG, ça c'est ma vie. Attention à qui tu frottes, non seul. Chicka blau, chicka blau, blau. J'ai pissé sinon ça qu'il up avec mes textes et textes. T'es vide donc filé, c'était même fils. T'es moté, c'était harris, t'es fabla. Ton oubis, t'es précipité, je suis. Tout mon but, moi, tu l'as vidé. Mais fais plus un poids comme une mouche à ma mort. Et les fois, le monde me brûle du doigt, c'est une gague de jaloux. Des fois, le monde crache sur ma news, c'est une gague de jaloux. Je sais que je t'impressionne, c'est pour ça que tu pars de moi. Tu dis que je te whack, mais au moins tu pars de moi. Je sais que des fois, je suis toujours dans le beat. Fuck off, ça paraît pas. On comprend pas toujours ce que je dis. THUG, ça c'est ma vie. Attention à qui tu frottes, non, sir. Chicka blau, chicka blau, blau. Chicka blau, chicka blau, chicka blau, blau. J'espère que les gens vont me croire, mais... Oups. J'aime plus cette petite chanson en merde, Coris. Coris de niaiseux.